La représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU a publié le 15 un communiqué contre l'adoption du projet de résolution sur la circonstance des droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée, AC-371-L23, présenté par l'Union européenne et le Japon à la session de la 3e commission de la 71e Assemblée générale de l'ONU. En voici le résumé. La résolution vise un objectif politique des États-Unis et d'autres forces hostiles destinées à politiser et maximiser le problème inexistant des droits de l'homme dans notre pays. Donc, en tant que produit d'intrigues et collusions, elle n'a aucun lien avec la vraie protection et l'amélioration des droits de l'homme. La résolution met en cause même les travaux forcés et l'exploitation de nos ouvriers à l'étranger qui sont inexistants, ainsi que le problème du nucléaire et de missiles qui n'a aucun rapport avec les droits de l'homme, ce qui montre clairement que ce document se joint à la campagne américaine de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée pour l'étrangler. En fait, les États-Unis poursuivent obstinément la politique hostile envers la Corée jusqu'à aujourd'hui, depuis le jour de la fondation de notre République, tout en faisant appel à tous les moyens et méthodes pour démolir notre régime social étatique. Jusqu'à présent, les États-Unis ont cherché à nous exercer la pression simultanément avec le problème du nucléaire et le problème des droits de l'homme. Mais puisqu'ils n'ont rien à faire dans le problème du nucléaire, ils tentent de supprimer notre République avec le problème des droits de l'homme. Maintenant, les États-Unis ne cessent de lancer d'énormes biens stratégiques nucléaires dans la péninsule coréenne pour livrer ouvertement des exercices militaires conjoints de nature agressive et même les manœuvres pour exécuter l'opération d'éliminer la direction et l'opération d'occupation de Pyongyang. De concert avec les États-Unis, cette année, l'Union européenne et le Japon ont mis de nouveau à l'ordre du jour le projet de résolution contre la République populaire démocratique de Corée. Nourrissant d'un bout à l'autre un objectif politique malsain, cette résolution est un document dépourvu d'équité et crédibilité, puisqu'il reproduit à la lettre le contenu du rapport du comité d'enquête sur la situation des droits de l'homme en Corée, caractérisé par mensonges, fraudes, intrigues et escroqueries. Se charger des droits de l'homme des masses populaires et les protéger et améliorer sans cesse, voilà la politique invariable du gouvernement de notre République. En dépit des sanctions et pressions continues des forces hostiles guidées par les États-Unis, le gouvernement de notre République converge toutes ses forces à rehausser le niveau de vie de la population et à assurer un plus bel avenir. Des supérieures mesures populaires sont pratiquées invariablement, notamment les soins médicaux gratuits, l'enseignement gratuit, la distribution gratuite des logements et l'égalité des sexes, alors que tout le peuple exerce et jouit des droits de l'homme à son gré dans tous les secteurs de la vie sociale. C'est la réalité évidente de notre pays. Nous ressentons la fierté et la dignité infinie du régime socialiste que notre peuple a choisi lui-même et consolidé et développé, et du régime assurant les vrais droits de l'homme que le capitalisme ne peut avoir ni imiter. Vaut mieux que l'Union européenne et le Japon, avant de mettre en cause le problème des droits de l'homme des autres pays, voient avant tout leur intérieur et celui des pays membres, et se repentissent du crime anti-humain d'avoir produit le problème des réfugiés sans précédent, et prennent des mesures nécessaires. Surtout, le Japon doit présenter les excuses et indemnisations pour ces crimes anti-humains ultra-géants aux Coréens et à d'autres nations de divers pays du monde, notamment l'enlèvement et la réquisition forcée de plus de 8 400 000 Coréens, le génocide d'un peu plus d'un million de personnes et l'esclavage sexuel de 200 000 femmes. La réalité montre que les forces hostiles cherchent à tromper le monde à tout prix pour faire disparaître notre régime socialiste, berceau de la vie de notre peuple. Bien que nous voudrions de vrais dialogues et collaborations dans le secteur des droits de l'homme sur l'arène internationale, nous prendrons toutes les mesures requises face aux actes hostiles croissants contre notre République sous prétexte du problème des droits de l'homme.